Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 3e, comment Dieu a-t-il apparu? Markendanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Comment Dieu a-t-il apparu? Dieu a-t-il formé des créatures pour apparaître ainsi aux hommes? Ou ces apparitions ont-elles eu lieu par le ministère des anges? Dans ce cas, ces esprits célestes, usant de la puissance que le Créateur leur a accordée, employaient les créatures de la manière qui leur paraissait la plus propre à former ces apparitions. Mais quant à l'essence divine, considérée en elle-même, jamais elle n'a été vue sur la terre. Préface. Je préfère de beaucoup le travail de la lecture à celui de la composition, et si quelques-uns de mes lecteurs ne le croient pas, je les engage à en faire eux-mêmes l'expérience. Je les prie donc de noter dans leur lecture les diverses solutions qu'on peut y donner aux difficultés que je propose, et les diverses réponses que je dois faire à 1000 questions qui me sont adressées de toutes parts. Et, n'est-ce pas là pour moi un véritable devoir, puisque je me suis consacré au service de Jésus-Christ et puisque je brûle du zèle de défendre notre foi contre les erreurs de certains hommes terrestres et charnels. Au reste, je suis assuré que bientôt ces critiques auront reconnu avec quel empressement je me dispenserai de ce travail, et avec quelle joie je déposerai la plume. Toutefois, je continuerai à écrire, parce que les divers ouvrages que j'ai lus sur la Trinité ou n'existent pas en latin, ou sont presque introuvables, comme me l'a prouvé la difficulté que j'ai eue à me les procurer. En outre, il est peu de personnes assez familiarisées avec la langue grecque pour pouvoir aisément lire et comprendre des traités aussi profonds. Et néanmoins ces traités, si j'en juge déjà par mes premiers extraits, renferme une foule de choses utiles. Je ne saurais donc résister au désir de mes frères, qui sont en droit de me demander ce travail, puisque je me suis constitué leur très humble serviteur, et puisque je me suis engagé en notre Seigneur Jésus-Christ à les servir avec zèle de ma parole et de ma plume. Or, la charité qui dirige en moi l'une et l'autre, comme deux coursiers pleins d'ardeur, me presse d'achever ma course. Je dois en outre avouer qu'en écrivant sur ce sujet, j'ai appris bien des choses que j'ignorais. C'est pourquoi il n'est permis ni aux paresseux, ni aux savants de considérer ce traité comme superflu, car je crois qu'il sera vraiment utile à beaucoup d'esprits laborieux ou ignorants, et je me mets de ce nombre. C'est à l'aide des ouvrages déjà composés sur la Sainte Trinité, qui est le Dieu unique et souverainement bon, que j'ai pu résoudre sur ce sujet plusieurs questions et plusieurs difficultés. Et c'est également avec le secours du Seigneur que je vais poursuivre mes recherches et mon travail. Si sous quelques rapports ce travail peut paraître nouveau, il n'en sera que plus agréable à ceux qui voudront bien se donner la peine de le lire et de le comprendre. Si au contraire on le considère comme un abrégé des ouvrages qui existent déjà sur le même sujet, il sera utile encore, en épargnant à mes lecteurs de nombreuses et pénibles recherches. Certes, je désire trouver pour tous mes ouvrages des lecteurs bienveillants, et surtout des critiques libres et sincères. Mais ici principalement, je souhaite que les questions élevées que je traite rencontrent autant d'esprits qui les comprennent qu'elles se heurteront à d'obstinés contradicteurs. Toutefois, de même que je désavoue un lecteur qui me serait favorable par une complaisante prévention, je repousse également un critique qui d'avance me condamnerait par système et par préjugé. Le premier ne doit pas m'aimer plus que la foi catholique, Et le second ne doit pas s'aimer lui-même plus que la vérité catholique. Ainsi je dis à l'un, ne donnez point à mon ouvrage l'autorité des livres canoniques, mais s'il vous offre quelque nouveau développement de nos dogmes sacrés, attachez-vous-y avec empressement. Si au contraire quelques doutes subsistent encore dans votre esprit, suspendez toute adhésion, jusqu'à ce que ces doutes soient éclaircis. Mais je dis également à l'autre, ne condamnez point mon travail d'après votre propre opinion, ou votre propre jugement, et prononcez seulement d'après la Sainte Écriture, ou la droite raison. Les principes vrais que renferme ce traité, ne m'appartiennent point, mais en les aimant et en les comprenant, vous et moi, nous nous les approprierons. Quant aux erreurs qui pourraient s'y glisser, vous devez me les attribuer, et toutefois éviter d'en faire, pour vous ou pour moi, une faute personnelle. Je commence donc ce troisième livre au point où le second s'est arrêté. Nous voulions d'abord prouver deux choses. La première, que le Fils n'est pas inférieur au Père, parce qu'il est envoyé par le Père. Et la seconde, que l'Esprit Saint qui, selon l'Évangile, est envoyé par le Père et par le Fils, n'est inférieur ni à l'un ni à l'autre. C'est pourquoi j'ai dû examiner sous ces diverses faces cette double question, comment le Fils a-t-il pu être envoyé là où il était déjà, car lorsqu'il est venu dans le monde, il était déjà dans le monde. Jean 1, 10. Et encore, comment l'Esprit Saint a-t-il, lui aussi, était envoyé là où il était déjà, puisque le sage nous dit que l'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et que celui qui contient tout, entend tout. Sagesse 1, 7. Mais ici toute difficulté s'évanouit dès qu'on reconnaît que le Fils de Dieu est envoyé, parce qu'il s'est au dehors revêtu de notre chair, et que quittant pour ainsi dire le sein de son Père, il s'est rendu visible aux yeux des hommes, en prenant la forme d'esclave. Et de même l'Esprit Saint est dit envoyé, parce qu'il s'est montré sous la forme sensible d'une colombe, et d'un globe de feu qui se divisa en langues. Le Fils et le Saint-Esprit sont donc envoyés, lorsque d'invisibles qu'ils sont, ils se montrent à nous sous une forme corporelle. Mais parce que le Père n'a jamais apparu de la sorte, et qu'il a toujours envoyé le Fils, ou l'Esprit Saint, on dit qu'il n'a point de mission. En second lieu, j'ai recherché pourquoi l'on parle ainsi du Père, quoiqu'il soit vrai qu'il s'est montré dans les apparitions sensibles dont les patriarches furent favorisés. De plus, si le Fils se révélait dès lors, et se rendait visible sous une forme corporelle, pourquoi n'est-il dit envoyé que bien des siècles après, et lorsque dans la plénitude des temps il naquit d'une femme? Galates 4, 4. Voulez-vous, au contraire, justifier cette expression en disant qu'il n'y eut, à l'égard du Verbe, de véritable mission qu'au jour où ils se fichèrent? Je vous demanderai pourquoi vous dites également du Saint-Esprit qu'il a été envoyé, quoiqu'il ne se soit jamais incarné? Enfin, si nous ne devons reconnaître séparément dans ces anciennes apparitions, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, quelle raison avons-nous aujourd'hui de dire que le Fils a été envoyé, puisque déjà il l'avait été sous ses formes diverses? C'est pour traiter ces importantes questions avec plus de lucidité, que j'ai divisé ma réponse en trois parties. La première a été l'objet du second livre, et je réserve les deux autres pour le troisième. J'ai donc prouvé que dans ces anciennes apparitions, et sous ces formes sensibles, on peut indifféremment reconnaître tantôt le Père, ou le Fils ou le Saint-Esprit, et tantôt la Trinité entière, qui est le Dieu unique et véritable. C'est l'étude approfondie du contexte, qui peut seule déterminer à laquelle des trois personnes divines on doit rapporter l'apparition. Chapitre 1er. Questions à examiner. J'aborde maintenant la seconde partie de ma division, et ici trois questions se présentent. Dieu a-t-il, dans ses diverses apparitions, formé tout exprès une créature pour se montrer aux hommes de la manière qu'il jugerait la meilleure? Ou bien les anges qui existaient déjà, et que le Seigneur envoyait pour parler en son nom, choisissaient-ils parmi les créatures corporelles celles qui convenaient le mieux à leur ministère? Ou enfin ces mêmes esprits, usant de la puissance qu'ils ont reçue du Créateur, changeaient-ils leur propre corps, qu'ils pliaient et dirigent à leur gré, aux formes qu'ils croyaient les plus favorables à l'accomplissement de leur mission? Après avoir traité ces trois questions avec toute la lucidité que le Seigneur me permettra d'y apporter, je passerai à une quatrième que je m'étais déjà posée, à savoir si le Fils et le Saint-Esprit ont été envoyés par le Père antérieurement au mystère de l'incarnation. Et dans le cas de l'affirmative, en quoi cette première mission peut différer de celle que l'Évangile nous raconte? Ne vaut-il pas mieux, au contraire, soutenir que le Fils n'a été envoyé qu'en devenant le Fils de la Vierge Marie, et l'Esprit Saint, qu'en se montrant sous la forme visible d'une colombe, ou d'un globe de feu? Mais j'avoue tout d'abord qu'il est au-dessus de mes forces et de mon intention de rechercher si les anges, tout en conservant les propriétés spirituelles de leur corps, peuvent secrètement s'adjoindre des éléments plus grossiers et les adopter comme un vêtement extérieur. Dans cette hypothèse, la forme qu'ils revêtiraient n'en serait pas moins vraie et réelle, de même qu'aux noces de Cana l'eau fut véritablement changée en vin. On peut aussi supposer qu'ils transforment eux-mêmes leur corps, et le changent à leur gré selon l'exigence de leur ministère. Au reste, quel que soit leur mode d'agir, cela ne fait rien à la question présente. Toutefois, parce que je ne suis qu'un simple mortel, je ne saurais pénétrer ces secrets dont les anges seuls ont l'intelligence. C'est ainsi encore qu'ils comprennent bien mieux que moi, comment l'affection de la volonté peut amener pour le corps les divers changements que j'ai observés en moi et dans les autres. Mais il est inutile de rechercher ici ce que l'Écriture nous permet de croire sur ce sujet, car je m'embarrasserai dans une suite de discussions et de preuves qui m'écarteraient de mon but. Je me bornerai donc à examiner si les anges faisaient réellement mouvoir ces formes corporelles qui apparaissaient aux yeux, et s'ils articulaient les paroles qui étaient entendues. Dans cette hypothèse, la créature obéissant aux ordres du Créateur se serait prêtée aux diverses modifications que nécessitaient le temps et les circonstances, selon ce passage du livre de la Sagesse. Seigneur, la créature qui vous obéit comme à son Créateur, s'irrite pour tourmenter les méchants, et s'apaise pour le bien de ceux qui se confient en vous. Aussi la manne, prenant toutes les formes, obéissait-elle à votre grâce qui est la nourriture de tous, l'accommodant aux besoins de ceux qui vous témoignaient leur indigence? Sagesse 16:21-25. Nous voyons par cet exemple comment la puissance de la volonté divine emploie une créature spirituelle, pour produire les effets visibles et sensibles des créatures corporelles. Et en effet, quels obstacles arrêteraient l'action de la sagesse divine, puisqu'elle atteint avec force d'une extrémité à l'autre, et qu'elle dispose toutes choses avec douceur? Sagesse 8:1.